des processus légaux de l'évolution sur toutes les plans, plutôt que de l'évolution sur un plan, deux plans, trois plans, puis l'évolution sur un autre plan. Lorsque cela est fait, l'humain va orchestrer, il est plus puissant que les deux autres galaxies qu'il reste, l'humain va orchestrer la finalité fusionnelle entre les autres, entre les deux autres galaxies, que l'on va appeler normalement le plan bouddhique et le plan divin, pour pouvoir aller se ramasser lui-même. Lorsque cela est fait, il enclenche une autre fusion qui lui permet d'avoir une conscience qui va être super universelle, c'est-à-dire une conscience créationnelle, une conscience qui lui permet de connaître, non pas un point de vue galactique dans chacun des univers, mais un point de vue super universel dans chacun de ces phénomènes universels. Cela veut dire que lorsque l'être humain rentre en processus fusionnel planétaire, il va éthérifier son corps, c'est-à-dire qu'en réalité, il va arriver à faire en sorte que les plans de conscience des différentes galaxies ne soient plus chevautrés un sur l'autre comme différentes couleurs dans un pot, mais que cela puisse fusionner comme si on créait de la lumière blanche. Mais l'humain ne vit plus donc sur un plan physique, vital, astral, mental et supramental. L'humain ne va vivre que sur un autre plan qui ne fait pas partie de cette mécanicité, c'est-à-dire que l'humain vit sur un plan fusionnel qui n'est ni supramental, ni mental, ni astral, ni vital, ni physique. De ce point-là, l'humain peut entrer en contact avec quelque chose qui ne peut recevoir comme support qu'un phénomène non créationnel. C'est-à-dire, la supra-énergie ne peut s'exprimer dans l'homme cosmique que si l'homme cosmique n'est pas créationnel. Dans l'énergie de notre univers, il y a l'énergie supramentale, il y a l'énergie bouddhique, l'énergie divine, l'énergie vitale, astrale, et physique et vitale. Mental. Bon. Tant que l'être humain est mental, astral, vital, etc., il fait partie des conditions créationnelles de cet univers, donc l'humain fait partie, l'humain est assujetti aux lois de cause et d'effet. Cause et d'effet, non seulement planétaire, mais aussi cosmique. Lorsque l'humain arrive à créer une fusion de cinq premières galaxies, il n'a pas fini la fusion complète des phénomènes universels, mais il ne pourra pas le faire non plus tant qu'il y aura des humains sur la planète. Ces humains-là devront être détruits ou devront être fusionnés. Mais c'est quelques milliers d'années encore qu'on a devant nous pour ça. Bon. Mais un millier d'années au niveau galactique, c'est tout à fait différent. Le battement de cœur d'une galaxie est différent du battement de cœur d'un humain. Ce qui veut dire que le PMC, c'est une préparation, un service commandé qui va durer plusieurs milliers d'années. Le PMC est comme un paquet d'autres choses. La vie est un service commandé. Bon. Lorsque l'humain fusionne ses cinq premiers phénomènes galactiques, donc ses cinq premiers plans, l'humain devient quelque chose qui n'est pas créationnel, c'est-à-dire qui ne ressemble à rien dans cet univers. Il devient quelque chose qui peut supporter de la supra-énergie, donc l'humain devient quelque chose qui peut devenir intentionnel dans cet univers, intentionnel par rapport à la création. Et c'est à partir de ce principe que l'humain va tout changer. L'humain va être capable de finaliser plus rapidement que jamais la fusion des deux autres galaxies, donc l'humain aura un point, un pied placé dans chacune des super-univers, ce qui fait que l'humain commencera à avoir une puissance créationnelle. Lorsque nous parlons de résorption de l'univers, évidemment, nous parlons de suffisamment de puissances humaines fusionnées entre elles pour pouvoir avoir suffisamment de paliers attractifs de façon à faire en sorte que les univers se résorbent. Cela engendre une conscience de plus en plus puissante, de plus en plus libérée du temps. Parce que plus tu écrases les choses, plus le battement de cœur s'accélère, c'est-à-dire plus le rythme des choses s'accélère, plus les molécules deviennent folles. Plus un soleil s'écrase, plus il devient chaud. Plus le soleil grandit, plus il se refroidit. Alors donc, lorsque cette fusion sera faite, les choses vont se rapprocher. Elles vont se fusionner. Donc, il n'y aura plus rien du processus créationnel. Il restera simplement un phénomène impersonnel, incréationnel, inexistentiel, c'est-à-dire préexistentiel. Cela va s'écraser. Et il faut arriver à saisir, même d'une façon mentale, que l'écrasement d'une chose sur elle-même, par elle-même, ne peut pas connaître de fin. Si elle est écrasée par quelque chose d'autre, il y aura à un moment donné un degré d'équilibre. La chose, mettons, opposera 1000 tonnes de pression jusqu'à temps que la chose écrasée puisse opposer aussi 1000 tonnes de pression. Cette hypercondensation. Oui, voilà. Du phénomène créationnel, c'est pas justement un phénomène d'anégoïsation sublime pour la supra-énergie. Exact. Qui engendre... Pas pour la supra-énergie. Hein? Pour l'énergie. Pour l'énergie, mais pour la supra-énergie qui a engendré le phénomène créationnel, même par accident, ça ne créera pas un phénomène hyperconscient face à l'autre phénoménologie auquel est confrontée, c'est-à-dire l'inexistentiel. Bon, la question, donc, on n'y répondra pas tout de suite parce qu'il y a des choses fausses à l'intérieur. L'anégoïsation de l'univers n'engendre, ce n'est pas une anégoïsation pour la supra-énergie. C'est une destruction de l'univers. Le phénomène anégoïque s'arrête là. Okay. La chose s'écrase tellement qu'elle n'a même plus de volume dans le temps et l'espace. Mais étant donné que le temps et l'espace font partie de l'écrasement, il n'y a même plus de temps et d'espace. Et elle continue à s'écraser, s'écraser jusqu'à ce que, dans un grain de sable, tu puisses retrouver toute la création. De l'énergie là-dedans, il y en a. Mais c'est tout à fait infime comparativement à la supra-énergie. Et ça continue à s'écraser jusqu'à temps qu'il n'y ait absolument plus rien. Ou encore que ça fasse un bing-bang et que ça recommence. C'est ce que la science espère. Mais voilà, tu sais, on le sait pas. Ah ben, on le sait pas. Certains ne savent pas. Mais revenons à l'aspect à l'intérieur de la création. Le phénomène de l'égoïcité puis de la négoïsation, l'homme qui est en processus de cosmicité, pour les énergies hiérarchiques intelligentes, puisqu'il est un phénomène de crise de négoïsation, puisqu'il va les fusionner, il devient un phénomène satanique pour ces espèces d'énergies hiérarchiques intelligentes-là. Ah oui. Donc, on peut dire que l'homme est le phénomène satanique par excellence de la création. Eh bien, oui. Je veux dire, l'ostracisme qu'a subi le peuple juif face à la race humaine, est-ce que l'homme est appelé à vivre un ostracisme aussi significatif face au phénomène d'expansion créationnelle, c'est face à son expansion dans la création? L'homme serait appelé à faire cela si l'homme n'aurait pas la possibilité de se fusionner dès maintenant, au niveau des cinq premiers plans. Mais la nuance qu'il y a entre, tu mentionnais à un moment donné, où vous êtes fusionné par l'énergie supramentale, ou vous la fusionnez. Il y a deux... Il y a un détail de mécanicité qui serait intéressant, là, à ce que tu... Fusionner une hiérarchie veut dire la gober, la digérer, tout en restant conscient de ce que nous faisons. Se fusionner une hiérarchie veut dire que c'est elle qui est consciente de ce qui se passe, pas nous. Si j'accepte de servir une hiérarchie, je la prie, je l'aime, j'embarque, j'écoute, on me missionne, je fais n'importe quoi, je suis prêt même à donner ma vie, mon âme et tout pour elle. Non, là je deviens ce que tu appelles un juif. C'est-à-dire que je risque à un moment donné, d'ailleurs c'est ce qui va arriver si cela se pourrait, qu'à un moment donné je sois dispersé dans l'univers de façon à ce que ma puissance soit dissipée. L'hiérarchie prendrait un humain, le foutrait là-bas, un humain là-bas, on les séparerait, on les disperserait continuellement pour éviter qu'ils deviennent puissants. Étant donné que l'être humain a la faculté consciente de se fusionner, donc de refuser, l'humain a suffisamment d'orgueil, même si l'orgueil est une puanteur, pour de résister. Et c'est pourquoi la majorité de l'éducation nouvelle, en ce qui concerne le plan supramental, commence toujours par l'idée de manipulation. Si ça te fait suffisamment chier, même les dieux ne pourront pas te manipuler. Même l'hiérarchie ne pourront pas te manipuler. Mais évidemment, ça crée un problème. La personne veut tellement plus être manipulée qu'elle est manipulable par la non-manipulation. Bon, c'est un problème. Mais en fait, ça passe. L'humain peut devenir intelligent. L'humain peut devenir intelligent et lorsque l'humain peut commencer sa fusion, il entre en contact avec quelque chose qui ne peut pas être manipulé par l'hiérarchie, la supra-énergie. Lorsque l'humain rentre en contact avec cela, il peut accomplir sa fusion primaire, donc la fusion des cinq plans, et lorsqu'il accomplit sa fusion des cinq plans, il ne ressent plus rien de créationnel. On ne peut pas le disperser parce que l'humain a une fusion de cinq super-univers. Alors, ou bien on prend l'humain et on le place dans le sixième ou le septième, ce qui est travaillé contre, parce que déjà qu'il est des cinq, si tu le places dans le sixième, il se ramasse dans le six. Ou tu le laisses dans les cinq, tu ne peux pas le déplacer. Si la religion juive serait au trois quarts la religion sur la planète, le peuple juif ne serait pas dispersé. Vu que la religion juive, elle était surtout centralisée sur un État, Israël, bien, en les envoyant partout sur la planète, tu les as dispersés. Lorsque l'homme fait sa fusion, il est partout. Tu ne peux pas le disperser. Mais tant qu'il ne fusionne pas, tu peux le disperser en vache. Mais tant qu'il est sur le contexte planétaire protégé par l'astral souffrant de notre planète, tu ne peux pas le disperser, il n'y a aucune maudite planète qui en veut de l'homme. Mais en parlant de souffrance, ça me fait songer aussi à la notion d'anti-homme. L'anti-homme, tu sais, je veux dire, planétaire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu me vois venir. Puis l'anti-homme supramental. Est-ce que, puisqu'il y a de la trace mémorielle, même au niveau de l'énergie supramentale, est-ce qu'il existe un anti-homme supramental? Oui. Et les conditions d'affrontement de l'anti-homme supramental, est-ce qu'ils sont des conditions dans le cadre de la fusion de l'homme? Tu sais, je veux dire, pour quelqu'un, quand on dit qu'il est en processus de fusion, un humain, Est-ce qu'il y a une condition d'affrontement de son anti-homme planétaire et puis par la suite l'anti-homme supramental? L'anti-homme supramental, pour employer tes termes, c'est la fausse humilité. Pas plus que ça. C'est pas... Tu sais, je veux dire... Il me semble... Tu sais, je veux dire... Voilà. C'est que, pour, d'un point de vue humain, l'expression de l'énergie supramentale est perçue comme de l'instantanéité. Parce qu'on est plus lent. Et c'est ça, la fausse humilité, c'est là qu'il entre en jeu. Dans quel tout à l'heure, tu aurais pu répondre à la question que je t'ai posée. Mais la fausse humilité fait que tu préfères être humble et ne pas être à la hauteur de répondre. Et c'est le pire ennemi du contact supramental, la fausse humilité, c'est l'anti-homme supramental. Tu peux guérir, mais tu n'oses pas. Non, non, mais tu sais, dans mon temps, ton temps est là, mais dans mon temps, fausse humilité. Tu peux répondre à une question, mais vas-y donc, toi. Fausse humilité. Et c'est la fausse humilité qui va être le pire. La dernière initiation, c'est de démolir ça. Un jour, tu vas avoir le feeling de ce que t'es. Un jour, tu vas être certain de ce que t'es. Un jour, tu vas être sûr de ce que t'es. Mais tu ne l'exprimeras pas. Un jour, tu vas être sûr. Mais tu ne l'exprimeras pas. Fausse humilité. Tu n'oseras pas être ce que tu es. Mais il doit... C'est simple, mais c'est la merde. Est-ce que dans l'astral supramental, il existe la même phénoménologie satanique que, tu sais, je veux dire, l'équivalent, tu sais, que dans l'astral humain? Puisqu'il y a un anti-homme, il doit avoir toute la chibane qui suit. Les correspondances, il y en a dans presque tout, mais à un moment donné, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait avec une réponse comme ça? On pose une question. On va poser d'autres des questions écrites. Mais c'est beau aujourd'hui. Est-ce que le disciple discipliné, c'est la fusion avec l'ajusteur de pensée? C'est bien. Effectivement. Maintenant, la fusion peut être un processus en cours. Une fusion, ce n'est pas nécessairement un processus accompli. Vouloir, volonté. C'est bien beau, mais n'est-ce pas l'ego qui veut, indépendamment du mental, qui soit l'intelligence de la chose? J'ai l'impression que je ne peux pas vouloir, je suis tanné de cela. Je veux faire tout simplement, très simplement. Voilà, elle veut, vouloir, faire simplement. Donc, elle veut. Parce qu'il faut faire attention au niveau des mots toujours. Il y a des nuances qui sont subtiles. La personne ici, j'ai l'impression que je ne peux pas vouloir. Je suis tanné de cela. Je veux faire tout simplement, très simplement. Je veux simplement. Donc, elle veut vouloir. Quand je parle de subtilité, ben c'est ça. Elle dit qu'elle veut faire simplement, très simplement, cela veut dire qu'elle veut. Mais dans un contexte différent du veut astral, égoïque. C'est ça que l'humain doit comprendre. Et ça devient... Il y a des choses qui ne peuvent s'enseigner que par l'initiation. L'humain doit apprendre et manger de la marde, partir, souffrir jusqu'au jour où ça va débloquer. Une personne me dit, moi je crois que croire, c'est rien que les imbéciles qui croient. Je lui demande, tu crois à ça? Elle va dire oui. Tu y crois dur comme fer? Oui. C'est une foi aveugle? Oh non, le mot foi, non, c'est pas une foi, mais je suis sûr que c'est ça. Sûr. Aussi sûr que le gars pense que le Christ est venu pour l'aider. Il y a des subtilités. Je veux le faire simplement, très simplement. Ben, c'est ça. Elle veut. Vouloir, volonté, c'est bien beau, mais n'est-ce pas l'ego qui veut indépendamment du mental? Pourquoi n'est-ce pas le mental qui veut indépendamment de l'ego? Parce que la question est posée du point de vue de l'ego. Et si on veut toujours observer notre bon côté du point de vue du mauvais côté, bien nécessairement, on marchera mal. Y a-t-il quelque chose de bon chez vous? Si vous dites non, c'est que vous regardez cela du mauvais côté. Alors, un coup de pied au cul, la motivation, de l'énergisation, quelque chose à faire que vous allez voir ça du bon côté. Et là, si on demande, y a-t-il quelque chose de mauvais chez vous? Vous allez en trouver moins que lorsque vous êtes déprimé. Vouloir, c'est être. Quand je disais vouloir, c'est pouvoir, c'était faux. En réalité, pouvoir, c'est vouloir, ben c'est ça. Ce que vous faites déjà, voulez-le. Vous êtes déjà en phase d'évolution, mais vous mangez de la marde. Si vous voulez évoluer, c'est que vous voulez cesser de manger de la marde. Tout ce que je dis, moi, c'est que voulez-le, clairement. Ce n'est pas un désir de l'ego. Si je comprends qu'il faut que je mange, je mange. Du point de vue de la compréhension, c'est une volonté. Ce n'est pas un désir émotif, c'est une volonté. Il y a des nuances à chercher, mais maudit, faites travailler un peu vos neurones et cherchez les nuances. Dans la phrase, tu dois craindre ton Dieu. Il y a assez d'énergie là-dedans pour faire fusionner la moitié de la planète. Mais la personne qui ne veut pas jouer, tu sais, oui, mais on, Dieu, c'est de la marde, tu sais, craindre ton Dieu, ça sert à craindre de la marde, craindre de rien. On n'a rien à dire à cette personne-là. Elle ne veut pas travailler. Elle veut qu'on lui amène tout sur un plateau d'argent. Il y a des personnes qui ont de la parole. Ils s'amusent à ajuster les mots. Pour ajuster les mots, il faut comprendre l'énergie transmise par des mots. Conscience cosmique. Faire simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement? Tout ce, je veux faire tout simplement, très simplement, et que ça a l'air compliqué. Alors, on prend le mot simplement. Et on en expulse l'énergie. Mais dépendant dans quel contexte on le place, il y aura différentes formes d'énergie qui sera extirpée. On doit faire le travail. Vouloir, vouloir, c'est bien beau, mais moi, ce que je veux, moi, c'est pas vouloir. Voilà, tu veux. Quelle que soit la chose que vous allez faire, c'est une chose que vous allez pouvoir faire. Nécessairement, c'est une chose que vous pouvez vouloir faire. Lorsque l'ego veut un gros gâteau, cosmiquement, il veut vouloir un gros gâteau. Lorsque le mental comprend l'intelligence d'une chose, du point de vue du mental, c'est aussi un vouloir, mais pas un vouloir comme du point de vue de l'ego. L'accomplissement d'un phénomène mental est de la volonté pour le mental. C'est un vouloir mental qui n'a foutrement rien à voir avec le vouloir de l'ego, qui n'a foutrement rien à voir avec le vouloir physique. Quand vous avez faim, votre corps veut manger. Ça n'a rien à voir avec un désir égoïque. C'est un vouloir physique. Quand vous êtes fatigué, votre énergie vitale veut dormir, elle veut s'abreuver. On peut la mélanger avec l'énergie de l'ego, désirer égoïquement vouloir dormir. C'est un mélange. Quand le mental décide d'accomplir une chose parce qu'elle est intelligente, simplement intelligente, logique, c'est un vouloir mental. La question ici, c'est qu'on prend l'idée du vouloir de l'ego, puis on essaie de comprendre le vouloir mental. Et on explique, je vais faire simplement. C'est en plein ça le vouloir mental. Alors moi, je ne veux pas vouloir mentalement, je veux rien faire simplement. Mais c'est ça que tu fais, tu veux mentalement. Mais tu le comprends du point de vue de l'ego. Ça te fait chier. C'est comme la personne qui prend des pilules, elle n'en a pas besoin. Et que c'est chiant. Puis quand tu es malade, qu'elle en a besoin, n'en prends pas. Prendre des pilules, c'est chiant. Mais ça n'a rien compris. Tu es contre les pilules, c'est vrai. La journée, tu as de l'infection, prends donc des antibiotiques. Oh, moi, je ne prends pas d'antibiotiques, moi, je bois du yogourt. Là, ça ressemble plus à un antibiotique. Tu changes le mot, change la forme, mais si boire, c'est la même chose. Mais si tu veux le voir du point de vue de quand c'est pas bon, quand tu en as besoin, il y a un problème. La personne qui veut jeûner, qui fait un jeûne, elle veut jeûner. La journée que c'est le temps qu'elle mange pour s'entraîner à aller aux Olympiques, elle veut continuer à jeûner, rien compris. Alors, faut pas. C'est un peu quand on me dit, moi, oui, mais une société d'hommes nouveaux, c'est impossible. Imagine-toi ce qui va arriver avec les hommes anciens. Société d'hommes nouveaux, il n'y a pas d'hommes anciens. Bon, cesse de mélanger les cossins. Faut faire un travail. Faites la job un peu. Fais sa part. Parfait, merci. Ça va bien. Non. Hey, ça va bien, ça va bien. Un peu dans la même veine, là, il y a une question ici. Vous dites que l'homme n'a pas de libre arbitre, d'une part, et d'autre part, vous parlez de volonté. Pas de libre arbitre, pas de volonté. Comment pouvez-vous parler d'une volonté en dehors du libre arbitre? Pouvoir, c'est vouloir. Ça répond à tout. J'ai cessé de parler à mes parents depuis bientôt un an. J'ai peur que je n'ai plus jamais envie de leur parler le reste de mes jours parce que l'envie ne me revient pas. Est-ce possible? Je ne veux pas qu'ils souffrent. Non, elle a l'envie de le parler. Quand on a peur que l'envie reste, c'est parce que déjà l'envie est à moitié partie. Observez de quelle façon on est manipulé à faire des choses ou à penser des choses. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Maintenant, je pose la question, est-ce que je veux, moi, souffrir? Oui, moi, je veux souffrir, je ne veux pas qu'il souffre. Vas-y, parle là. Oh non, moi, je ne veux pas souffrir, puis je ne veux pas qu'il souffre, vous autres non plus. Souffre déjà. Faites un travail, posez des questions convenables. Moi, je me fous carrément de ses parents. Elle a à se démerder. Mais que sache qu'elle est plus importante que toutes. J'étouffe. Je n'en peux plus d'être sur le bord depuis un an. Et rien n'arrive. Ça me bascule d'un côté ou de l'autre. Je me fous que ce soit mon troisième réservoir qui vous parle. Il est écœuré de stagner. L'autre con de premier réservoir s'en fout. Il ne gagne pas en puissance. Jusqu'où va l'écœurement? Ça s'en vient. Il y a un phénomène assez intéressant pour amener l'initié à l'écœurement total. C'est là qu'il s'initie. C'est qu'il recherche, par exemple, un papier orange. Il y a le concept. À un moment donné, il y a la fait passer un en face. Fait qu'il se dit, crime, papier orange, ça se peut. Là, il recherche, il ne le trouve pas. Mais à un moment donné, là, flou en avant, il y a un papier orange. Ah ben, maudit, j'y arrive. Au fur et à mesure qu'il avance, papier bouge. Il sent que ça vient, hein, mais ça vient jamais. Parce que c'est pas le papier orange qu'il doit chercher. Le papier orange, c'est ce qu'il recherche. Derrière le papier orange, très loin derrière, il y a le papier jaune. C'est ça qu'il a besoin. Mais quand il voit le jaune, il s'en fout, ça, il n'en veut pas. Il veut le papier orange. Alors, on met le papier orange, puis on le trimballe. Plus il s'écœure, plus il veut l'accrocher, là, ce petit papier. Plus son accélération évolutive se fait. Plus il se dirige vers le papier jaune. Mais il montre le jaune pour l'instant, non. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va comprendre l'intelligence du papier jaune. L'orange va disparaître. Être toujours sur le près de, c'est parce que l'on conscientise le but, un par bribes. Mais on n'est pas capable d'avoir suffisamment de discipline pour instruire les autres parties de soi. On veut toujours évoluer en morceaux, jamais en bloc. Votre corps n'est pas prêt. Alors même si vous l'avez dans la tête, vous ne l'aurez jamais. Pas pour l'instant. Il faut travailler le corps. Travailler le corps vital. Travailler l'ego. Travailler le plan mental. Parce que vous êtes sur le bord de traverser du point de vue mental au supramental. Tout le reste est loin d'être sur le bord de traverser. Alors, on vous met des choses intéressantes en avant pour vous continuer, pour vous motiver. La personne qui est rendue à dire, moi, je me fous que ce soit ci, que ce soit ça, c'est comme la personne qui dit, dites-moi donc quoi faire, Asti, me le faire. Bon, tu sais que si, ça c'est essayé. Apparemment, j'ai le feeling de faire telle chose, je vais le faire, me casse la gueule. Puis je suis totalement disponible, Asti, je m'assois là, puis dites-moi quoi faire, m'en faire n'importe quoi. Tu es ma mère, m'a tué. Dites-moi ce qu'il faut faire. Puis là, bien, on vous dit rien. Là, on vous dit, bien, lève-toi, puis ce que tu vas penser, là, essaye-les. Là, vous répondez, ça fait 20 fois que j'essaye, puis c'est jamais ça, hostie. Je dois faire quoi? Savez-vous pourquoi ça ne répond pas? Parce que l'homme doit être son seul maître. L'intelligence supramentale, elle a des défauts. Mais il y a un des défauts qu'elle n'a pas, à servir l'homme. Et le problème, c'est que l'homme sera libre lorsqu'il sera capable de se servir de l'intelligence supramentale, non pas d'être servi par elle. L'intelligence supramentale doit venir à l'intérieur de mon système neuronique, à l'intérieur de toute ma phénoménologie de conscience. Je dois m'en servir pour pallier des choses. Elle ne vient pas suppléer, compléter. Et c'est ça qui est chiant. Alors, dites-moi ce qu'il faut faire. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait que lorsqu'elle passe par vous. Et lorsqu'elle passe par vous, c'est vous qui devez le savoir. Exactement comme si vous aviez un papier contient la moitié des couleurs. Et l'énergie supramentale, ce sont l'autre moitié des couleurs. Alors, si vous dites, « Ah ouais, passe, esti, que je vois tout, elle passe, puis vous ne voyez rien. » C'est la lumière blanche que vous avez besoin. Lorsque vous passez, vous voyez de la couleur. Lorsqu'elle passe, on voit de la couleur. Il faut que les deux passent en même temps sur le même rouleau. Et là, on aura du blanc. C'est extrêmement souffrant de toujours être sûr qu'on arrive, puis finalement se rendre compte que d'année après année, on est juste sûr, mais ça finit là. C'est le principe même de la libération de l'homme. Écœurez-vous, mais lâchez pas. L'homme s'écœure, puis il lâche. C'est évolutif. Ça finalise sa mutation cérébrale. Puis à un moment donné, l'humain s'écœure, mais ne lâche pas. C'est là l'utilité de la colère mentale. Être en tabarnak sans lâcher. On voit de l'intelligence, puis c'est con. Il faut être en grosse colère, mais pas lâcher. Mais comment ça se fait que du mental puisse être en colère, parce que par définition, c'est pas émotionnel? Parce qu'il y a d'autres problèmes de colère émotive qui existent. Oui, mais encore. Ça, je veux dire, le mental, par définition, c'est pas émotionnel. Pourquoi est-ce qu'un colère doit être, un mental doit être en colère? Parce que la colère, par définition, ce n'est pas nécessairement émotionnel. C'est ce que j'ai de dire. Oui, mais par définition, la colère, c'est pas que l'expression d'un changement de potentialité. Tu sais, tu viens enragé, tu es en colère. C'est la colère émotive. Puis une colère mentale, c'est quoi la texture? C'est quoi la configuration? C'est la différence entre un géant qui souffle sur des humains pour les tuer, c'est en colère, puis d'un coup de vent qui passe simplement par condition mécanique. C'est du vent qui balaye les deux. Il y en a un qui est émotif, l'autre qui ne l'est pas. C'est comme jeter tous les papiers à terre à quelqu'un pour le faire chier. C'est comme jeter les papiers à terre dans une poubelle pour nettoyer la table. Apparemment, c'est similaire. C'est bien différent. Il y a des colères supramentales, il y a des colères mentales, il y a des colères astrales, des colères vitales, des colères physiques. La colère physique, c'est quoi la colère physique? C'est lorsque le corps physique est mal. mais le mental subit une irritation pour qu'il exprime une colère mentale. L'irritation du mental, c'est dans le manque de logistique des choses. La logique mentale, elle s'établit à partir de ce que tu perçois. Tu agglomères ça ensemble, ça devient une logique. Mais si tu manques des éléments, ta logique va manger de la merde. Colère mentale, souffrance mentale. C'est logique, ça marche pas. Mais il te manque un élément. Mais à force de... l'élément va venir. Ah bon, mais c'est toujours logique, mais là, ça marche. On continue tout à l'heure.